encore un freestyle. Tour de passe, passe. Hey yo, c'est Badze, tu peux même pas voir ma face. Alors passe, passe le moins, je me fais de la place. Car ma présence c'est comme un bowling, mais dans un palais de glace incongru. Et c'est un mot chelou, incongru. Un peu comme un chip chauve avec le menton dru ou un qui ne parle que bitch, street, free, credibility. Tu sais, un tour de rue, moi je réfléchis dans des champs. Rêve en aidant les gens, des fois je suis dangereux, c'est vrai. Mais je ne suis pas méchant, juste fâché. Fâché, fâché, de savoir que pour un sachet de weed on peut t'attacher. Le système ne va pas, je l'aurais déjà clashé. Pour vivre heureux, pas le choix, du coup faut vivre caché. Arracher le bonheur, feinté comme un apaché. Se battre quand même, ou finir mâché. Le roi du marché voudrait que je fasse du cachet. Que je marche droit, mais moi je crois que je préfère pas marcher. Mais pas tant de m'arracher. J'ai changé de flow, ouais, quand je me fais chier. Libre de Marco Mike, et pour ça pas besoin de Nike. Et je ne parle pas souvent de marque, je ne sais pas si t'as remarqué, mais libre de Marco Mike, et tout de suite ça tourne comme un joint de mauvais shit black, tandis que de la beuh se roule. On part de là, ok. Et ça fait libre de Marco Mike. Je ne parle pas souvent de marque, je ne sais pas si t'as remarqué, mais Bilbo de Marco Mike et tout de suite ça tourne comme un joint de mauvais chiffre black, tandis que de la bœuf se roule, de la bœuf se vend un peu partout en France. Dommage que l'État n'en veille pas dans ses finances. De la bœuf se fume, monsieur le président. C'est comme ça, tu devrais tester ça des temps. Pour des raisons d'être anarchiste et de péter les plombs. Regarde la partie d'échec dont ils croient qu'on est les pions, mais en vrai, on est des fous. Ils se prennent pour des rois à cheval sur leurs principes dont ils ont fait des lois. Mais qui tient les rênes? Allez leur dire que c'est notre tour. Moi je m'en pète les veines à gueuler, mais on dirait qu'ils sont sourds. Je me casse la voix comme Bruel qui se pèterait un doigt. Et mes réponses sont vides comme le portefeuille d'un sans-papier. Vas-y souris, toi tu boudes. Grattant les marges de ta vie pourrie, j'ai un smile de fou. Descends dans la rue dans mon body. Aujourd'hui, Bob Marley with Bedo. Un camé sous Exo, mille têtes de dodo. Tu connais ma passion pour le son. Et dans l'opilo, la série derrière ma tête, c'est un pilon. Aujourd'hui je suis joyeux, trop de soleil. J'ai mal aux yeux, mais c'est pas grave. En scène glacée, je suis adorable. Alors je sors de chez moi, qui fait la like et faire des angles. Toi tu baves, au-dessus de toi, c'est plus vieux. De sourire, ils sont même pas déçus de partir. Et les plus jeunes se bagarrent puis se marrent. Ils ont bien temps de voir venir. Aujourd'hui j'ai décidé de diversifier l'activité grâce à laquelle je vis. Professionnel sourire, aujourd'hui je feel happy. I am the smile, c'est là t'en veux plus. Désolé, c'est là, y'en a un peu plus. Ma petite dame, je vous le mets. pas des sourires. J'en ai des pas, pas plus qu'à faire ton choix. Je t'en prie, le prochain, vas-y, je t'en prie, serre-toi. Ensemble, sans modération, car saurais tes vivre, écoute mon son. Et si non, tu hésites, pas besoin de mon bon. Ça y est, tu te sens libre, et là, tu fais du bon. C'est bien, tu commences à suivre. Thank you.